Rien ne me dégoûte, rien ne me déroute, même si j'avance à reculons. J'ai passé la voûte du poêle à mazout, bien vite en rentrant à la maison. Au bord de la route, planqué dans la soute, je regarde passer les camions. Tant pis si je loupe le match de foot, j'irai jouer tout seul au ballon. Que des rimes en août pour gagner ma croûte, c'est la chanson de la déraison. Moment de panique, coursé par les flics qui voulaient me jeter en prison. Parce que je me pique au liquide lymphatique, je commence à perdre la raison. Et si l'on me dit que c'est pharmaceutique, je passerai par le pont d'Avignon. C'est bien plus pratique avec un stylo bic pour composer des vers à la con. Que des rimes en hic pour gagner du fric, c'est la chanson de la déraison. J'ai encore sommeil, j'avance à petit pas à tâtons. J'arrache une vieille, sa carte vermeille, je la revends contre un peu de pognon. En position veille, tournent les abeilles autour d'un bocal de cornichons. Au pays des merveilles, mon esprit s'éveille, je finis par choper le bourdon. Que des rimes en haye pour gagner l'oseille, c'est la chanson de la déraison. Interdit couplet à ma chanson. Alors je m'installe en position fétale. Je mets du mescal dans mon biberon. Et puis je dévale la station orbitale en passant par Saturne et Pluton. Je vois des étoiles, c'est phénoménal, mais c'est pas bon pour l'inspiration. Que des rimes en halle pour gagner que dalle, c'est la chanson de la déraison.